Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. 41e, j'arrive même pas à le dire, 41e épisode de la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons passer trois quarts d'heure ensemble pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. C'est l'avant-dernière émission de la saison, nous sommes en juin et on arrive à la période du mercato. Alors il nous faut être un petit peu dans les petits papiers des médias, des journaux spécialisés et en radio, c'est un peu comme en football. Cette rentrée 2017 s'annonce pleine de transferts. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui Philippe Chapeau, fondateur et directeur de la publication de la lettre pro de la radio et des médias. Philippe Chapeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au micro de la mécanique des ondes. Vous êtes au micro aussi d'une radio associative et j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Alors pas vraiment, parce que j'ai pas vraiment un passé dans le milieu de la radio. J'étais plutôt dans le sport et puis je suis tombé dans la radio un peu par hasard avec mon père en 97 quand il a eu la folle idée de créer le guide professionnel de la radio. Par contre, ce que je peux dire des radios associatives, c'est surtout la rencontre avec Skyrock, Radio Pénard, Skyrock à Béziers, puisque c'est là où j'ai découvert un peu les radios associatives et c'est là où on a eu l'idée de créer un festival pour les radios associatives. Le festival existait, mais on a eu l'idée de créer un concours pour les radios associatives et qui a donné naissance au salon de la radio. Alors, on va revenir justement, alors un petit peu en arrière. Vous me dites que à la base, donc la radio, c'était peut-être pas forcément votre envie professionnelle. Sur quoi vous dirigiez ? Vous avez passé un bac général, plutôt scientifique. Enfin, non, moi j'ai fait la poubelle des bacs, comme disait Sardou. C'était G4. J'ai fait G4 parce que je suis parti de chez moi à l'âge de 16 ans. Enfin, c'est ma mère qui m'a dit va-t'en gentiment. D'accord. Et pour faire un sport-études tennis à Gruissan. Donc j'étais à Narbonne pour ma première, j'étais à 7 pour ma terminale, j'ai fait ma terminale G4 mais en sport études, ce qui fait que je faisais l'après-midi du tennis et le matin je faisais les cours comme je pouvais. J'ai réussi quand même à avoir mon bac, c'était ce qu'elle voulait ma mère, mais et puis après j'ai arrêté les études et le jour où j'ai arrêté où j'ai eu mon bac, je me suis dit enfin libre. Et là je faisais du tennis tous les jours. D'accord. Donc là vous étiez 100% dans le sport, quoi. Ouais, ça a été mon métier pendant 12 ans. D'accord. J'étais coach, en fait. Je suis parti, j'ai voyagé un peu partout, j'ai vadrouillé dans beaucoup de pays et j'ai vécu aux États-Unis et je suis revenu en France, j'ai travaillé à Toulouse et ensuite je suis reparti en Suède pour revenir un an là où mon père a créé le guide de la radio. Donc je l'ai aidé à faire la première maquette du guide de la radio et à rassembler toutes les données à l'époque des CTR, des conseils techniques radiophoniques, qui maintenant sont les CTA, les conseils, donc c'est le CSA, les antennes du CSA, et j'ai réuni toute la base de données qui était complètement différente dans les fichiers Excel, des fichiers Word, et on a créé le premier guide de la radio. Alors ça, vous aviez quel âge ? C'était en 97. Je suis de 71. D'accord, donc, oui, vous aviez une trentaine d'années. Voilà, j'avais une trentaine d'années, mais je suis reparti en Suède. Parce que bon, j'étais coach là-bas et le capitaine de la Coupe Davis qui était de ce club m'a rappelé, il m'a dit est-ce que tu veux venir pour entraîner l'équipe. Et j'ai dit bah oui, donc je suis rentré en Suède, j'ai passé 3 ans de nouveau, mais par contre je continuais à gérer la base de données en ligne. Vous étiez toujours en lien forcément avec cette base de données. C'est surtout que j'avais créé la base de données en ligne en 1997. Et ça, c'était pas parce que Internet en France n'était pas vraiment développé. En Suède, c'était Internet pour tous à l'époque, déjà en 98, 99. Donc voilà. Et puis j'ai continué un peu à rester avec lui. Lui, il a fait éditer ça par différents éditeurs. Et après, j'ai décidé de revenir en 2000. En France. D'accord. Vous avez arrêté complètement le sport ou vous avez continué le sport mais en France ? J'ai complètement arrêté le sport. J'avais pas connu beaucoup mon père, qui était beaucoup dans le milieu de l'audiovisuel, lui, puisqu'il a fondé avec Pierre Bruno la lettre de l'audiovisuel, qui était une lettre bleue envoyée 3 fois par semaine, qui était connue vraiment de tous les grands patrons de l'audiovisuel, qui existe toujours d'ailleurs, hein, sous forme de... Je sais pas si c'est toujours par fax, enfin c'est Sandra Müller qui s'en occupe. Et donc, il a créé cette lettre de l'UV, mais c'est vrai que je le connaissais pas, c'est-à-dire que j'avais pas passé de temps avec lui. Donc j'ai fait, comme toujours, je fais une liste d'un côté les choses positives, de l'autre les choses négatives de là où je suis, et ensuite je décide si je bouge, si je bouge pas. Et j'ai décidé de rentrer pour rester avec mon père, et on a travaillé ensemble jusqu'à ce qu'il décède, pendant plus de 8 ans, au début que avec le guide de la radio. Donc on allait au MIDEM, montrer nos guides de la radio, enfin c'était un peu ridicule. Faire du démarchage et du terrain, hein, au début, ouais. C'est comme ça que ça marche. Lui, il était habitué à ça parce qu'il avait fait ça tellement dans sa vie. Il avait une centaine d'événements à l'année où il allait, où il était invité avec la lettre de l'audiovisuel. Ils ont fait vraiment les plus gros salons, les plus gros festivals. Enfin vraiment, ça a été une grosse réussite, la lettre de l'audiovisuel. Et c'est vrai qu'il avait envie de relancer la lettre de l'audiovisuel avec moi. Je lui ai dit, écoute-moi, honnêtement, ça faisait 2-3 ans qu'on bossait dans la radio. On avait le guide de la radio. Je lui ai dit, moi j'aime bien la radio. C'est des gens passionnés. La télé, j'ai pas envie d'y aller. Et donc, on a continué à faire la radio, et puis je lui ai dit en 2003, écoute, faut faire autre chose que le guide, parce que le guide c'est pas suffisant pour une société. On n'avait pas les mêmes charges qu'aujourd'hui, mais c'était quand même pas suffisant. et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas créer un salon? Donc lui était en train de regarder avec un salon qui existait, qui s'appelait le CIR, le Salon International de la Radio, dont il était à l'origine d'ailleurs, mais qu'il avait éjecté bizarrement. Et donc en 2003, on a été à Béziers, et puis on a vu toute cette magnifique aventure des radios associatives, moi qui m'a assez passionné, et ils remettaient des galères aux radios associatives à Béziers chaque année. Et ça existait depuis longtemps, le festival, hein. C'était un festival où toutes les radios associatives... Le symbole est un petit peu bizarre, les galères. Mais oui, c'est ça. Mais je me suis dit, mais pourquoi vous remettez des galères? Donc moi je suis un peu un homme de challenge, j'aime bien faire des choses un peu créatives. Et donc je lui ai dit, tiens, on va donner des voiles aux galères. Et on va créer les voiles d'or. Et on a créé les voiles d'or en 2003. On a fait venir un certain nombre de partenaires. Il avait déjà des partenaires et des exposants, mais c'était vraiment un petit truc très très local. Mais par contre, il faisait une scène ouverte pour le public, donc c'était un truc assez sympa. Et puis on a fait une soirée en direct à l'époque avec tvradio.com que Benoît Sillard avait créé juste avant, parce que l'internet était balbutiant. On commençait à avoir des sites web sur à la télé, mais c'était pas vraiment et tvradio.com, parce que Benoît Sillard qui avait créé Fun Radio, qui était quand même assez innovant, et puis maintenant on sait qu'il a fait l'ordinateur à 1 euro, enfin bon, il est même venu une fois à notre salon pour faire une keynote, mais donc on a fait une soirée, et là on faisait des concours, on demandait aux radios locales, et vous, je pense que vous savez de quoi je parle, de sélectionner des artistes. Et parce qu'en fait, beaucoup de radios associatives jouent des artistes locaux qui ne sont pas connus, qui ne sont pas joués sur les autres radios, et ce sont les seuls à le faire. C'est leur vocation. On connaît le problème qu'ont les maisons de disques avec les autres stations de radio et les accords et les trucs. Donc aujourd'hui, celles qui découvrent vraiment des artistes, comme celles qui découvrent les professionnels de la radio, sont les radios associatives. Et c'est vrai que c'était marquant. Donc on a créé une dizaine de concours comme ça. Il y avait 3 concours pour les artistes, et on faisait jouer en direct les vainqueurs lors du festival de Béziers à Cannes. À Béziers. À Béziers. Et ça aurait pu être Cannes, mais non, c'était Béziers. Et donc, on a fait une soirée vraiment unique, super. Et puis, on a demandé à Jean-Paul Georges, qui s'occupait de Skyrock Radio Pénard à l'époque, s'il voulait créer un truc un peu plus gros, un salon. Parce que nous, on avait vraiment envie de faire quelque chose à nous. Mais avec lui, hein, parce que il était initiateur du projet. Il m'a dit, non. Non, faites ce que vous voulez, reprenez le truc, partez. Je dis bon, donc on a attendu 1 an, et puis après on s'en a rencontré le ciel, et on a créé un nouveau salon qui s'appelait Le Radio à l'époque, dans le cadre du ciel, et puis après on a évolué jusqu'à maintenant être un salon européen de la radio, mais on est monté doucement. Mais bon, c'est toujours dans le milieu professionnel. Philippe Chapeau, c'est le moment de la première pause musicale. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, la première pause, si je me rappelle bien, c'est René Aubry que j'avais sélectionné. Pourquoi vous avez choisi ça? C'est encore une autre vie. quand j'ai passé mon brevet d'état de prof de tennis, j'étais à Limoges. Ma tante m'a dit le tennis c'est bien, le sport c'est bien, mais il faudrait que tu fasses autre chose. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Elle m'a dit, écoute, va voir conservatoire d'art dramatique. J'ai fait conservatoire d'art dramatique et j'ai découvert René Aubry. C'était la musique que jouait le prof du conservatoire pour les échauffements. D'accord. Donc ça représente pour moi une partie de ma vie, ça a changé ma vie, le théâtre. J'en ai fait qu'un an. Mais ça a vraiment changé ma vie et j'en ai même créé une troupe en Suède. Quand je suis parti en Suède, ça me manquait tellement. Et René Aubry, c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagné et qui est très proche de la radio. Et vous savez pourquoi ? Parce que il fait parler sa musique. On a toujours une image quand on écoute sa musique. René Aubry avec Step, c'est le choix de Philippe Chapoux. C'est également le générique de Fréquence Protestante. Vous l'aurez reconnu, vous l'entendez tous les jours à midi. Et ça vous aura donné l'occasion, chers auditeurs, d'entendre l'intro de cette chanson. Puisque généralement, voilà, nous on reprend à cet endroit-là avec les violons, etc. Et on n'entend jamais l'introduction de cette chanson. Donc merci Philippe Chapoux d'avoir fait découvrir. Je ne savais pas que c'était la musique que vous utilisiez, j'avoue. Depuis la création de la radio, vous inquiétez pas, j'ai réécouté les archives, je peux l'attester. Philippe Chapeau, on vous a laissé donc à peu près quelle année vous reprenez ce salon à Béziers ? On reprend pas en fait parce que le salon continue, c'est-à-dire le festival continue, mais nous on se dit il faut qu'on crée quelque chose et à Paris, parce que la plupart des acteurs, des stations et des prestataires sont quand même à Paris. Donc on cherchait, on a un peu mis un peu de temps, et puis il y a une personne qui s'appelle Anthony Moret qui s'occupait du salon Ciel à Paris. Gros salon d'événementiel. Gros salon qui faisait plus de 10 000 mètres carrés. Et ils avaient une grosse partie audio. Et donc on s'est dit, il y a un lien intelligent à faire, puisque Sennheiser ou les grosses marques audio étaient oui, là. Oui, c'était de l'équipement, on va le dire, c'était de la technique. Et puis il y avait une partie nuit où il y avait FG qui faisait... Oui, je m'en souviens bien. Voilà. Après, on aimait ou on n'aimait pas, mais il y avait d'autres choses qui bougeaient d'ailleurs au sous-sol. Et donc, on a créé un espèce d'univers. Alors, au début, quand même, avec des copains de papa, parce que on démarre pas un salon comme ça. Et surtout, avec deux acteurs principaux qui nous ont vraiment soutenus depuis le début, c'est TDF et Towercast, qui sont les diffuseurs de toutes les radios aujourd'hui en France et même au-delà. Et ces deux sociétés ont décidé de suivre notre aventure alors qu'il existait un autre salon, le Salon International de la Radio, et que le Festival des Radios Leader FM continuait à Béziers. Donc ils ont cru en nous, et puis on a développé le salon vraiment petit à petit. 2004, 2005, 2006, donc maintenant on en est à la, je crois que ça va être la 15e édition là, et puis on a eu une période assez compliquée quand même, parce que ce salon, quand on était qu'avec le ciel, ça allait, et ensuite on nous a imposé, parce que c'est Ride Exposition France qui a organisé le plus gros, le ciel, un des plus gros, voilà. Et puis ils ont des règles, et là ils ont imposé la fusion entre le Satis, qui était le salon, qui est toujours d'ailleurs, mais qui a été vendu là, le salon de la télévision et de la vidéo professionnelle, et ça n'a pas du tout marché. On a fait une année Ciel Satis le radio, les exposants, bon, on dit ouais, ok, deuxième année le ciel est mort. Le ciel, donc, en fait, est passé de 10 000 mètres carrés à 5 000 et ensuite à zéro. Et on nous a dit, il faut rester avec le Satis. Et moi, j'ai dit, bon, ok, on l'a fait une fois. J'ai demandé à mes exposants, je leur ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils m'ont dit, non, on n'a rien à faire avec les gens de télévision. Et pourtant, les caméras arrivaient dans les stations, déjà. On en parlait, puisque nous, dans le cadre du Ciel Satis le radio, on avait fait déjà le mix média, on avait créé le mix média en 2006-2007, et donc on a arrêté, et ensuite j'ai rompu mon contrat avec Reed. Donc moi, petite société, petite SARL de 1500 euros de capital face à Reed Exposition France, j'ai rompu mon contrat, et on est reparti, on a mis un peu de temps, mais on est reparti sur un salon à échelle humaine, sans faire de gros stands, sous forme de tables, de séminaires, au tapis rouge. Un lieu assez magique où on s'est fait bien entuber par le propriétaire, mais un lieu assez magique qui était la première renaissance du salon Le Radio, puisque c'était radio pour rendez-vous annuel des décideurs indépendants des ondes. Et ça s'est bien passé parce que les exposants ont répondu présent, les visiteurs aussi. On a eu pratiquement presque 4000 visiteurs la première édition, alors que ça faisait un an et demi qu'il n'y avait rien eu. Et ensuite on est allé au Centre Étoile Saint-Honoré, ça a grandi. Ensuite, à un moment vous étiez trop petit dans le Centre Étoile, on était vraiment un petit peu, on jouait des coudes. C'était un peu serré, donc on a cherché un lieu, et c'est vrai qu'Antonio Mori, qui suit toujours le projet en fait, puisqu'il est plus chez Ride, mais il est toujours vraiment très attaché à ça, parce que c'était avec mon père, on avait créé ça tous les trois, et donc il nous aide toujours, et il nous a trouvé la grande halle de la Villette, que j'avais pas forcément identifié comme vraiment potentiellement intéressante, et on a pris pas toute la grande halle, hein, parce qu'on a quand même, donc on a 4000 mètres carrés depuis deux ans maintenant, on est là, on refait ça en l'année prochaine, et puis cette année en janvier cette année on a ouvert à l'Europe, et puis on a des projets, je pars en Afrique bientôt, on a des projets pour développer aussi ce salon, parce qu'on nous l'a demandé en Afrique, ainsi que la lettre. Ah, on va en parler après. Voilà. On va en parler après, Philippe. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que au départ, ça a été facile, grâce au réseau de votre père, d'organiser quand même ce salon. Est-ce que quelqu'un d'autre, si vous aviez pas eu le réseau, ça aurait été compliqué? On sait que dans le milieu de la radio, le réseau, c'est quand même très important. Alors, je pense que de toute façon, c'est pas un milieu où on gagne beaucoup d'argent. Déjà. Donc c'était pas véritablement pour l'argent, c'était vraiment parce que si j'avais senti qu'il y avait pas eu des gens passionnés, des gens avec qui je sentais que je pouvais continuer à travailler et avoir confiance, j'aurais fait autre chose. Parce que honnêtement, j'ai eu envie de faire plein de choses. Donc moi, je fais les choses quand je les sens, je les fais. Et si je les arrête, ça me posera pas de problème. Du jour au lendemain, je peux vraiment faire quelque chose complètement différent. Que ça soit du sport, de la culture. Vous l'avez déjà fait, ça vous est déjà arrivé. Ça me pose aucun problème. Par contre, j'aime bien travailler avec des gens qui sont passionnés. Et puis, c'est un peu notre bébé. On a créé la lettre de la radio quand on a créé. Au niveau du quand on a bougé au tapis rouge, j'ai rencontré Frédéric Brulatour, qui est le rédacteur en chef et qui s'est occupé du contenu de la lettre, parce que moi je suis pas un homme de radio, Je suis pas un homme qui forcément est un passionné de radio vraiment sur le fond, mais j'adore la technique. Donc je me suis intéressé très très vite à la RNT. Et je suis devenu un spécialiste de la RNT. On a créé une association avec Jamil Chalak de Radio Orient qui a embêté les grands groupes, on va dire, à l'époque, quand la RNT était pas vraiment bien accueillie. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Mais on va en parler aussi. Voilà, on en parlera peut-être maintenant. Et je me suis vraiment spécialisé là-dedans, dans la technique. Et puis, le salon de la radio, c'était un salon de technique. Oui, de base. C'était pas un salon où il y avait des problématiques d'antenne, de voix. Et maintenant, avec Frédéric, puisque celui, c'est un homme de radio, il a commencé la radio à 14 ans, comme beaucoup qui sont passés dans votre émission. Donc, c'est vraiment lui, il peut vous parler de l'antenne. Moi, je peux vous parler de la technique, je peux vous parler de l'IP, je peux vous parler de comment les studios vont, à quoi vont ressembler les studios demain. Enfin, ça je peux vous le dire. Mais par contre, et de la partie diffusion. Et j'ai une image assez européenne de l'avenir de la radio, qui est bien entendu IP, mais qui est, pour sa colonne vertébrale, hertzienne. Et le hertzien sera numérique quoi qu'il arrive, et quoi que les grands groupes veulent ou non. C'est un beau message. Ça me plaît, vous savez, ce type de message, surtout par rapport à toute la problématique de la RNT. Là, effectivement, on va arriver à des délais assez précis. Là, est-ce que vous pensez qu'à fin 2017, on sera fixé sur la RNT Pour moi, on est déjà fixé. Hein. Ça fait bientôt 2 ans qu'elle a démarré. Quand j'entends des gens qui disent encore que on est à des stades d'expérimentation, je suis désolé. Les autorisations qui ont été données pour 10 ans, bien plus longtemps que la FM. En plus, avec pour ceux qui sont en FM, un renouvellement automatique. Donc ça, il fallait peut-être réfléchir aussi pour certaines stations, parce qu'elles sont pas sûres d'avoir leur fréquence derrière. Non, on sait pourquoi, tout le monde le sait. Enfin, pas la peine de se le cacher, bien entendu que c'est. Mais ça, la RNT ne peut faire que fonctionner et que marcher, même si ça mettra du temps. Bien entendu que ça mettra du temps. Mais ce que je vois moi, c'est surtout au niveau européen. Comment est-ce que ça se développe au niveau européen ? Et moi, ce qui m'a fait dire depuis maintenant un an que la RNT était obligatoirement un succès et allait devenir incontournable en France, c'est que les fabricants automobiles se sont décidés à intégrer en première monte dans les voitures les plus populaires. Et ça, on le cache parce qu'en fait, en France, personne ne communique. Les marques de voitures ne communiquent pas sur ça. Par contre, toutes les voitures sont équipées. Ma Nissan, quand je l'ai pris et que j'ai acheté à Brive-la-Gaillarde, il y a 3 ans, il m'a dit, ah, puis vous avez la radio numérique. Je lui ai dit, non, mais vous rigolez, c'est quoi comme radio numérique? Non, mais vous avez la radio numérique. Et ma voiture Nissan, qui est une X-Trail, donc qui a 3 ans, hein, c'est pas tout neuf, a le DAB+ d'intégré, c'est pas une voiture très chère. Et quand je viens à Paris, je peux écouter la RNT et ça marche très bien. Donc oui, alors là, il va y avoir ces 20%, ce dépassement des 20% de la population qui fait que tous les récepteurs... Mais en fait, les voitures sont déjà équipées. Et tous les récepteurs sont déjà équipés. Et tous les récepteurs resteront FM. Et la FM restera encore pendant 10 ans. Donc, ceux qui veulent vraiment écouter des nouveaux programmes, il y a des nouveaux programmes et il faut des nouveaux programmes. Pourquoi ? Parce que c'est important, d'une part, pour le contrôle des émissions, parce qu'il y a le CSA, et le CSA, c'est important qu'il reste là et qu'il ne soit pas fusionné avec l'ARCEP ou avec d'autres gens qui sont là pour vendre des fréquences. Eux, c'est des fréquences, ils les donnent, et en plus, ils sont garants du contenu. Aujourd'hui, Internet, moi, j'ai pas envie que mon gamin tombe sur une radio, une web radio, qui fait la promotion de quelques courants qui peut être dangereux pour lui. Je veux que ça soit contrôlé. Et pour que ça soit contrôlé, il faut que ça passe par les ondes hertziennes, il faut que ça passe par le CSA. Donc le hertzien est super important. Après, il faut aussi de la diversité. Il faut des radios locales, il faut des nouvelles radios associatives. Pourquoi ? Parce que toutes les grands groupes disent « Ah non, les radios, elles sont pas écoutées, il y a que 2% de gens qui écoutent la radio. » Oui, mais tu viens d'où, toi ? Tu viens d'une radio associative. 90% des gens qui travaillent pour toi viennent d'une radio associative. Donc faut pas oublier les racines. C'est super important. Donc c'est pour ça que moi, mon salon, le salon de la radio, la lettre de la radio, tout ce qu'on fait, on essaye un maximum de parler des radios associatives, d'être toujours partenaire des deux confédérations et syndicats des radios associatives, mais comme on est aussi avec les syndicats radios pour les radios privées, et comme on aimerait faire avec les grands groupes. Les grands groupes, ils m'ont pas aimé pendant un certain temps. Maintenant, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, donc depuis 3-4 ans, il n'y a pas de problème, puis on n'est pas là pour faire la polémique. Non. Mais vous êtes là pour donner la parole à tout le monde. Aujourd'hui, on a J'ai bossé pendant pas mal de temps sur Radio Actu, qui était le site d'actualité avant l'arrêt de la radio. Il y avait un côté un peu polémique sur Radio Actu. Nous, on s'est dit, on ne veut pas aller dans la polémique. On veut être constructif pour le média et on veut fédérer et rassembler tous les acteurs. Après, ceux qui ont des égos trop grands pour venir au salon de la radio ou qui attendent une invitation pour y venir, eh ben, ils viennent pas. On s'en fout. On s'en fout parce que ce qui est important pour nous, c'est que le salon serve à tous les autres. Et après, à tous ceux qui veulent faire de la radio, voilà. Et aux étudiants. Et... Après, on invite bien entendu les patrons. Et ceux qui veulent venir, il y a des gens qui n'ont pas d'ego, qui sont super, qui ont toujours suivi le salon depuis le début. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais moi, je pense Franck Lanou qui est passé par votre émission aussi. Et quelqu'un qui est un mec super simple, Alain Veil aussi. Et ils ont toujours suivi le salon de manière très attentive, comme ce qu'on fait au niveau de la lettre de la radio. Bon, quand on lui a montré la première lettre, il a dit, mais attends, c'est un truc pour la radio associative, ça, ton truc. Et puis quand il l'a lu une ou deux fois, il dit, ah ben non, ça finit. Ah oui, non, c'est. Et maintenant, il est abonné. Et c'est vrai qu'on a fait évoluer aussi notre. Mais on parle à toutes les radios, mais pour moi, ce qui est véritablement important, c'est que les radios associatives puissent continuer à vivre, à se développer. Et donc, on voit là, le fonds de soutien est toujours en cours, même mais si. Mais là, il y a plein de radios associatives qui sont en train de fermer. Là, en ce moment, on vit une année difficile. Ouais, mais après, les radios associatives, il faut aussi qu'elles se posent des questions. Il faut aussi qu'elles se remettent en cause. Il faut aussi qu'elles se disent il y a peut-être un autre modèle que les subventions publiques, oui. Que les subventions, et il y en a d'autres modèles. Après, il faut être créatif. Si on n'est pas créatif de toute façon, et si on va pas vers quelque chose qui est le plus important, c'est l'auditeur, parce que c'est l'auditeur qui choisit au final. Si vous faites pas des choses que l'auditeur veut entendre, le podcast est quelque chose qui est vraiment fantastique, parce que ça apporte une créativité qu'on n'a plus sur les stations, à part les radios associatives. Après, le problème des radios associatives, c'est qu'il y a du bien et du vraiment pas bien. Donc, il y a des gens qui écoutent des fois, et puis quand ils regardent, ils écoutent après un truc qui est pas forcément de qualité, il n'y a pas d'homogénéité dans les radios associatives. Bon, c'est ce qui est charmant aussi. Mais donc je pense qu'il y a de la place encore pour des radios, comme le disait Pascal Clark, hein, je pense que Boxon, c'est véritablement une radio. Les radios devraient s'inspirer du podcast et devraient programmer des podcasts en direct. Alors c'est plus du podcast, mais c'est du contenu. C'est vraiment le contenu qui émet. Donc il faut faire du contenu, il faut le faire intelligemment. Alors Philippe Chapeau, ça va être le moment de votre deuxième pause musicale. Vous avez choisi un petit peu d'étranger. Ça va chanter en anglais, je pense. Ouais, et ça va chanter en anglais. Et alors ça, c'est en fait, j'écoute très peu la radio, j'écoute très peu la musique. Et pourtant, vous avez dans votre voiture la RNT. Oh, vraiment, honte à vous. C'est fou. Si, j'écoute Crooner des fois, parce que c'est vraiment une station qui n'existe pas sur la FM. Mais je fais beaucoup d'aller-retour dans ma voiture entre Brive et Paris, ce qui fait que c'est impossible d'écouter la FM. Puisqu'on ne peut pas écouter la même station, ou alors faut l'écouter en AM, et moi, les radios sportives, ça va deux minutes. Donc, en fait, j'avais une application qui s'appelait OnStage. Et OnStage, c'était génial, parce que c'est une application qui était super simple, d'artistes américains, d'auteurs-compositeurs, on choisissait un peu sa catégorie, moi c'était auteur-compositeur-interprète féminine. Parce que j'aime beaucoup les voix féminines et voilà, ça me et j'écoutais beaucoup les paroles aussi, et donc on likait en fait des chansons, et quand on likait, ça se mettait dans notre playlist, mais en fait ça téléchargeait les titres à l'avance, donc ce qui fait que j'avais jamais de coupure entre Brive et Paris. Et c'est vrai que j'ai une centaine de titres qui sont en anglais d'artistes interprètes inconnus. Parce qu'elle n'est pas connue, je pense que personne ne la connaît. Véritable, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. Voilà. Et qui, pour moi, sont des femmes qui, parce qu'elles sont interprètes, parce qu'elles racontent quelque chose dans leurs chansons, moi, ça me plaît. Voilà, donc je voulais le partager avec vous. We've been lovers so long. Off again and on, fall into your pillow, and deeper down we go, till I whisper in your ear, something you never seem to hear. Sleep sweetly. Sleep, I'll sneak away. I don't love you like I should. Don't think I ever could. So sleep sweetly, I'll sneak away. Your stubborn heart won't believe. You're just not what I need. Listing reasons why we'd make it, but my stubborn heart can't fake it. Sarah Tollerson avec I'll Sneak Away, c'est le choix de la deuxième pause musicale de Philippe Chapeau, toujours dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Philippe Chapeau, on parlait RNT, on parlait pays nordiques, et les pays nordiques, ça va être les invités de votre prochain salon de la radio l'année prochaine. Pour l'instant, la Norvège, donc le premier pays qui arrête la FM. Oui. Avec l'Angleterre. Non, l'Angleterre n'a pas. Non, ou alors elle va arrêter sous peu. Alors, ils veulent annoncer une date, ils l'ont pas encore fait. La Suisse l'a annoncé, mais vient d'annoncer que finalement ils vont attendre la France et voir le positionnement de la France. Enfin bon. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en ait un qui arrête. Et la Norvège, c'est un pays. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de radios. C'est un pays qui est quand même très compliqué en termes de terrain. Donc ils ont expérimenté beaucoup de choses qui serviront à beaucoup d'autres pays, mais je pense que ce qu'il faut voir, c'est surtout la pénétration de la RNT en Europe. On peut le voir au niveau de la France, être franco-franchouilleur, mais il y a un moment où il faut essayer de prendre un peu de distance sur les choses. Et en Allemagne, ça s'est très bien développé. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de marché national en Allemagne, que la RNT a permis d'avoir ce marché national, donc c'est pour ça que ça s'est développé. Mais c'est pas que pour ça, c'est parce que la RNT apporte aussi quelque chose. Alors on peut dire que c'est pas de la radio IP, c'est clair que, mais la RNT, c'est du herdien gratuit, anonyme, que tout le monde peut écouter. Il faut en effet peut-être changer son récepteur, mais il existe des récepteurs qu'on remonte avec une manivelle, hein, qui sont des récepteurs RNT qui fonctionnent très bien. Donc on peut véritablement avoir des prix de RN, de récepteurs aujourd'hui qui sont à 20-25 euros. On a pratiquement 1000 récepteurs aujourd'hui en termes de choix, et les voitures bien sûr intègrent la RNT, mais c'est surtout que l'Angleterre maintenant l'écoute. Alors ça a mis du temps, mais vous savez, la FM a mis énormément de temps à arriver. Toutes les technologies, même la TNT, ça a mis du temps à arriver. Il y a eu les mêmes problèmes avec TF1-M6 qu'on a aujourd'hui avec les grands groupes et toutes les autres radios, enfin pas toutes, mais celles qui veulent aller vers la RNT. Donc je pense que ce qui va changer la donne, c'est 20%, ce clap de 20% de couverture du pays, qui fera peut-être que, et puis il y a quelques grands groupes qui viennent maintenant dans les nouvelles villes, et il faut que le CSA continue à délivrer des fréquences. En tout cas, quand on a une fréquence en France, c'est pas pour l'arrêter, puisqu'on est autorisé pour 10 ans. Donc ce qu'attendent les grands groupes, c'est surtout que les petites radios se cassent la gueule pour les racheter. Comme ça s'est passé en TNT. Philippe Chapeau, à part ça, donc l'année prochaine, vous restez toujours à la Villette pour le radio. Oui. Et c'est marrant, vous l'appelez le radio aussi. Tout le monde l'appelle le radio, alors que ça s'appelle le salon de la radio. Non, oui. Mais c'est normal parce que tout le monde l'appelle le radio encore. Ouais. Et en plus, je ne connaissais pas donc la signification de l'acronyme que vous avez expliqué tout à l'heure. Beaucoup, je ne connaissais même pas. Mais c'est très bien trouvé. Quelle nouveauté en fait pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous restez donc sur des conférences, parce qu'il faut expliquer. Hein, donc vous avez effectivement, il y a des stands, il y a des conférences, il y a des keynotes, c'est-à-dire que là, c'est une personnalité qui vient viens voilà parler pendant vraiment un court laps de temps, on est 30-40 minutes. Ouais. Sinon il y a des conférences thématiques avec souvent d'ailleurs des radios associatives. Vous resterez sur le même modèle? On est toujours sur un modèle où il faut qu'on réponde un peu à la demande des visiteurs. Nos visiteurs sont donc toutes les professionnels qui travaillent dans les radios, et quand j'entends professionnel, un bénévole qui travaille dans une station ou dans une web radio est un professionnel pour moi. Donc tous les gens qui travaillent dans les stations sont nos visiteurs, et puis les exposants, c'est ceux qui proposent des produits ou des services aux stations de radio. Donc la nouveauté, ça va être les masterclass, parce que c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'est bien de faire des conférences, c'est bien de faire des ateliers, qu'il fallait peut-être qu'on en fasse un peu moins, parce que on avait quand même une centaine de conférences et d'ateliers avec 250 intervenants. On s'est dit qu'il fallait peut-être faire un peu moins et peut-être essayer de faire un peu plus quali. Pas que c'était pas quali, mais que ça concerne un peu plus de monde et qu'on en fasse moins. Et par contre, faire des masterclass vraiment quali sur inscription, toujours gratuit, puisque le salon est gratuit et le restera. Je tiens à ce que le salon reste gratuit, parce que sinon on perd aussi les radios associatives et les web radios, et on ne veut pas les perdre, parce que ça fait partie pour nous des éléments les plus fondateurs du salon. Donc les masterclass, on a 9 masterclass sur lesquelles on va communiquer, qui sont sur des thématiques vraiment antennes, techniques, stratégiques, et qui seront des enchaînements de différentes solutions que proposent les professionnels. Donc on va prendre par exemple l'habillage, on va avoir 3-4 sociétés d'habillage qui vont s'enchaîner, mais qui vont vraiment dire comment et pourquoi on fait un jingle comme ça. Et là, on est vraiment dans la masterclass, dans du travail pendant une demi-heure, et on enchaîne plusieurs prestataires, ce qui permet en fait d'avoir une vision de comment les gens travaillent vraiment, ou comment on utilise les produits ou les services que les stations vont utiliser. Donc ça, c'est un peu la grande nouveauté qu'on veut instaurer au salon. Et puis on veut qu'il y ait des événements festifs, on veut qu'il y ait plein de choses qui se passent pendant le salon. Alors on peut pas l'ouvrir au grand public, parce qu'on nous a dit mais pourquoi vous l'avez pas, pourquoi vous faites pas une fête de la radio. Faut faire attention, on n'est pas comme l'IFA à Berlin où c'est et grand public et professionnel. Je pense que ce qu'on sait faire, c'est voilà, on le fait bien, on essaye de bien le faire. Ça a un coût colossal, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'est pas parisien. On fait tout de Corrèze. On est que ça soit l'aide de la radio, toutes les éditions, le salon, tout ce qu'on fait, on le fait de Corrèze. Donc ça a un coût important pour organiser un salon comme ça. Et c'est vrai que il faut pas qu'on imagine qu'on est un salon international. On est un salon international, mais un salon ce qu'on appelle B2B, donc professionnel à professionnel. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est surtout que les visiteurs soient contents de venir et veuillent revenir et veuillent participer. Donc on va aussi aller plus sur le côté participatif, le côté test, pour que vous puissiez tester des micros, tester des casques. Voilà, c'est plus production et toucher le matériel et pouvoir l'utiliser. Philippe Chapeau, Pascal Clark vous pose une question. Bonjour Philippe Chapeau. Il est bien votre nom, Philippe Chapeau. Non, c'est vrai, j'aime bien. La lettre pro de la radio. Alors la question est assez simple. Vous qui rencontrez beaucoup de pros de la radio, donc comme le nom de votre lettre l'indique, quel est le plus petit dénominateur commun entre tous les pros de la radio que vous avez eu l'occasion de croiser? 2-3 bricoles. Merci. Je pense que c'est en grande majorité, c'est quand ils parlent de la radio, c'est leur regard. On voit tout de suite quand le professionnel qu'on a en face de nous est un mec des années 80. Soit qui a fait de la prison, soit qui a fait partie de cette la libération des ondes. Et ça, c'est 95% des gens qu'on rencontre. Après, il y a 5% de cons, Je les nomme pas parce que sinon, de toute façon, ils vont se reconnaître. Mais ces gens-là, voilà, sont des gens qui ont des égos, qui ont des bon, mais tant pis pour eux. En tout cas, moi, c'est pour ça que je continue à faire ça. C'est parce que quand je regarde les gens qui sont dans ce média, dans cette radio, et puis même Pascal, elle est venue cette année, hein, Pascal Clark au salon pour parler un peu de podcast. Je l'ai même pas rencontré parce que je cours tellement à droite et à gauche que. Oui, on vous voit pas trop hein, sur le non, sur le salon. En fait, je vois personne. C'est ça. En plus, je suis pas du tout physionomiste, donc pareil pour ceux que je ne reconnais pas au salon de la radio, excusez-moi, je vous en prie, je vous prie de bien vouloir m'en excuser parce que d'une part, je suis pas physionomiste et en plus, c'est vrai que j'ai tendance à essayer de gérer pour que tout fonctionne bien. Et je suis plutôt un homme de l'ombre, je suis assez timide moi en fait, c'est pour ça aussi, je suis et pas physionomiste et timide. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Mais non, je suis très content de cette question de Pascal Clark parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je trouve que d'avoir osé partir comme ça sur une entreprise de podcast comme l'a fait Ronez aussi. Joël Ronez qui était chez Radio France avec Binge Audio, qui est ouais. Super. J'ai écouté là Superstar, c'est génial. Alors oui, c'est vrai, c'est le grand débat, hein, les podcasts 2017 et l'année des podcasts. On va voir si ça en devient un modèle économique, où en seront-ils dans un an, qu'est-ce qui va en devenir. On sait qu'aux États-Unis ça marche, c'est un modèle économique. Est-ce qu'on saura faire la même chose? Je parle aussi intelligemment que les Américains avec ce qu'ils ont fait eux en podcast. On verra. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué le modèle économique comme le modèle économique de la web radio. Il est très compliqué le modèle économique de la radio. Il est très compliqué le modèle économique du podcast. Je pense que le podcast c'est un peu comme la radio. C'est faut pas le faire pour chercher un modèle économique. Faut le faire parce qu'on a quelque chose à dire. Et si on a quelque chose à dire, on trouvera le modèle économique. Mais le podcast est quelque chose qui en fait fait rêver. Pourquoi? Parce qu'il y a cette voix. Alors moi je suis pour les caméras dans les studios, mais pas pour les caméras dans les studios qui filment forcément. Alors quand il y a des invités importants, oui, mais les caméras dans les studios qui font autre chose, qui travaille ce qu'on appelle le transmédia. Alors, ben, ça parlera peut-être à certains, mais peut-être pas à d'autres. C'est raconter une histoire autrement avec des caméras dans un studio. C'est-à-dire, je sais pas, il y a une émission, il se passe quelque chose, on filme avec les caméras. Mais je pense que le podcast et le son, quand on est dans un environnement et qu'on écoute un podcast, on est complètement immergé dans un imaginaire. Et cet imaginaire-là, on ne peut l'avoir que grâce au podcast. On l'a très peu en radio. Parce qu'on écoute des flux musicaux, on écoute des programmations musicales avec des pubs, et c'est vrai que c'est fatigant, la pub. Alors je comprends que c'est un modèle économique, hein, mais je dis rien contre. Mais c'est fatigant, pour moi ça me fatigue. Donc c'est vrai qu'écouter des podcasts parce qu'on a envie de partager quelque chose et d'avoir cet imaginaire qui nous transcende. Et ça, le podcast me l'apporte beaucoup plus que n'importe quelle radio aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, on suit un petit peu, voilà, Boxon, Binge Audio, toutes ces radios. Mais vous êtes à la limite du podcast, vous. Vous êtes à la limite. C'est-à-dire, vous êtes une émission en direct, enfin en direct. Vous diffusez dans sur une station de radio. Sur la FM. Voilà, sur la FM. Mais vous avez une communication de podcast. Exactement. Et donc, mais pour moi, il y a plusieurs sortes de podcasts. Il y a vraiment le podcast qui est simplement une duplication donc de l'audio on demand. Et ça, l'audio on demand, bon, mais... C'est la diffuse, c'est podcast, on est d'accord, c'est iPod, podcast, donc c'est le replay, tout simplement. En fait, le podcast, quand on dit ça aujourd'hui à n'importe quel auditeur, c'est un replay, simplement un replay radio. C'est devenu, ensuite, dans notre, on va dire, dans notre langage, nous, à professionnels de la radio, il y a ça aussi, c'est que c'est devenu une création originale. Donc c'est devenu pas forcément un replay, c'est une création originale, et c'est d'ailleurs, sur la première plateforme où c'est distribué, c'est iTunes, donc ça reste un podcast dans la catégorie podcast. Oui, c'est podcast, mais pour nous, il y a les podcasts natifs. Voilà. Comme il y a les pure players comme les Deezer ou Spotify qui sont des pure players et là on peut faire sa programmation ou on peut écouter à la demande et comme fait aussi Apple avec Apple Radio, enfin Apple Music qui est vraiment génial, c'est vrai. Mais après, c'est pas, pour moi c'est pas de la radio. C'est comme une web radio. Une web radio, pour que ça soit vraiment une web radio, faut qu'il y ait des animateurs en direct. Sinon, c'est, moi j'appelle pas ça une web radio, j'appelle ça un flux. Oui, c'est un flux. C'est un flux musical. Oui, voilà. Oui, c'est un flux. Donc le podcast natif est quelque chose de très intéressant. Et vous êtes à la, en fait, un peu hybride. C'est ça, je suis multi-support. Ouais. Mais c'est transmédia, bien. Multi-support. C'est bien. Après, bon, on parle de choses quand même qui intéressent beaucoup de professionnels, mais pas forcément beaucoup de grand public. On essaye un petit peu. On essaye un petit peu. Et des fois, je peux vous dire, Philippe Chapeau, j'ai quelques surprises. Après, je vous les envoie sur votre salon. C'est gentil. Merci. Ceux qui s'intéressent. Allez, questionnaire super rapide. On est très, très en retard. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Roland Fort. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? J'en ai pas parce que j'écoutais pas la radio. Quelle radio vous réveille le matin? J'écoute pas la radio le matin. Quelle radio vous endort le soir? J'écoute pas la radio en fait. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Alors là où je l'écoute quand même toujours, c'est en voiture en général. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Partout ailleurs. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Faut aller voir les radios associatives, faut traîner dans les couloirs, il faut dire je veux faire de la radio. Merci beaucoup Philippe Chapeau, on vous retrouve sur la lettre pro de la radio et puis tous les ans au salon Le Radio si vous êtes un professionnel ou vous me demandez, je vous donnerai une invitation. Merci beaucoup Philippe Chapeau, à bientôt. À bientôt, merci.